boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Les indémodables Pixies ouvrent notre 213e Pop and Rock sur la très locale RVR avec une énergie qui se transmet immédiatement à LCD Sound System que j'ai découvert dans le générique de fin de White Noise, film aussi déjanté que le New Body Roomba que je vous envoie immédiatement pour les 7 prochaines minutes. Amis de Radio Lausanne que vous pouvez retrouver tous les jeudis au 104.6 à 17h nous ont conseillé d'aller écouter Nadj, groupe aujourd'hui disparu mais qui en 2007 a connu son petit moment de gloire en passant dans Taratata. Forcément, on est allé gratter et chercher, on a aimé, alors on vous envoie Nadj avec le titre Idéfix, issu de l'unique album de Nadj. We'll be right back. rappelez-vous, Pop'n Rock, c'est tous les lundis entre 17h et 18h pour une heure de musique sans pub. Et si ça vous plaît, vous pouvez retrouver tous nos artistes préférés sur la page Facebook de Pop'n Rock, les petits enfants du rock. Merci la voix off, tout est dit. Eh ouais, je suis comme ça. Allez, pas de trêve, un second titre de Nadj. Tu vois bien qui je sais. Tu vois, j'y arrive pas. J'ai une bombe atomique dans le ventre, tellement puissante que ça peut tout détruire. Mais j'essaye de ne pas devenir folle. J'essaye de ne pas devenir folle. Chaque jour un peu plus, je pourrais tant que ça sorte. Mais tu vois que je sais. Tu vois, j'y arrive pas. J'essaye de ne pas devenir folle. J'essaye. C'est donc Nadj à retrouver dans Pop'n Rock et dans Radio Lozinc, comme d'ailleurs nos habitués de Agora Fidelio.

j'ai commencé à programmer Pop and Rock, je ne souhaitais que partager la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, comme le disait le défunt Smet. Et puis, je me suis dit qu'en partageant, j'allais permettre d'ouvrir vos cervelles à des sons qui aujourd'hui sont terrassés par le rap, qui à travers tous ces travers, écrasent le reste. J'ai connu des salles rock pleines à craquer, mais aujourd'hui, une salle de 200-300 places devient trop grande pour des groupes qui inventent et crient sans reconnaissance. La scène rock est pleine de Cadavre Exquis, de Agora, Fidelio à Deserti, en passant par Dolly ou encore Elista. Heureusement, Pop and Rock résiste. Je m'en fous. Chez mon bonheur, j'ai envie encore une heure d'essayer d'oublier les heures. Je sens la Vous l'avez compris, Pop and Rock restera ici pour tous ces groupes rock que nous adorons. Et de Dolly, on fonce vers sa chanteuse qui, aujourd'hui, essaye de s'en sortir toute seule malgré de nombreuses cicatrices. Des cicatrices aussi belle, un visage de pluie et d'argent. Quand tes larmes s'y glissent, encore plus belle, c'est le plus bel hommage au temps, le plus beau sentiment. Comment te dire tout simplement que La culture musicale était beaucoup construite autour du rock anglo-saxon, mais rapidement, en écumant les playlists et les revues spécialisées, j'ai compris que l'Europe non anglo-saxonne, si elle utilisait la langue de Shakespeare, pouvait faire naître le meilleur du rock, et notamment en Belgique. Ouais, je pense à Balthazar. Eh ouais, toujours Balthazar, tu adores. Et alors ? Path to the end of it. Leave the rest. not play them anymore. Ginzu, Warhouse, Balthazar, Gibernat, Intergalactic Lovers, Girls in Hawaii, la scène rock belge est riche, mais tous vont piocher leur inspiration dans la culture anglo-américaine, et comment leur reprocher quand cette culture anglo-américaine nous offre le Zero des Smashing. Just like me. Tiens, et si maintenant on se prenait une petite plage de douceur après la folie des Smashing? Il y a quelques mois, nous écoutions régulièrement la douce Adrienne Lenker. Rappelez-vous. Keeping you company. Mais rassurez-vous, dans Pop and Rock, on sait également écouter des trucs que vous aimez et que vous connaissez bien. Oh, l'autre, il se la joue un télo du rock. Ouais, et alors, ça t'embête? Tu te sens dépassé? Thank you. Allez, on se rapproche de la fin de Pop & Rock, et la fin de Pop & Rock sera rock ou ne sera pas. Push it all the way to the limit. Push it all the way to your hands draw blood. Staring at yourself in the mirror. Staring at your face till your skin looks old. Push it all the way to the limit. Don't tell me once, tell me twice before. Looking up high for redemption. The one is looking down, I've got another question. I wanna believe but I'm sinning. I wanna go to church but my heart's not in it. It's been going over in my head. Words I wish I'd said. I wanna believe just to win. Ask for your help when my luck's all spent. It's been going over in my head. Remind me when I'm dead. Push it all the way to the limit. Push it all the way to your hands. Vous en voulez encore ? Ok. Dans Pop & Rock, quand on veut une fin très rock, on met Baby Strange qu'on vient d'écouter et on met également le fabuleux Nice to Me de Youmiatics. Et comme on n'est pas certain que vous ayez encore bien mal à la tête, on vous envoie Bob Mould. Comme on aime se quitter bons amis, on vous rebalance un Bob Mould, mais ce coup-ci avec Forecast of Rain, beaucoup plus calme. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et surtout, bis à tous.